Les grenouilles qui demandent un roi. Cum Athenae florerent, lorsqu'Athènes florissait. Legibus, sous des lois, aequis, égal, pour tous les citoyens. Libertas procax, une liberté effrénée. Miscuit civitatem, mela, troubla la cité. Licentiaque et la licence, soluit frenum pristinum, relâcha le frein antique. Hic partibus, dans cette ville les personnels, factionum des divers partis, conspiratis s'étant coalisé, Pisistratus occupat Arcem. Pisistrate s'empare de la citadelle. Tyrannus, comme usurpateur. Cum Attici, comme les habitants de l'Attique. Flerent tristem servitutem, pleurer leur funeste esclavage. Non quia ille, non parce que celui-là, c'est-à-dire Pisistrate, crudelis était cruel, sed quoniam gravis, mais parce qu'il était pesant, insuetis à eux inaccoutumé, omnino d'une façon générale, et coepicent, et qu'il s'était mis, queri onus, à se plaindre de leur fardeau, tum aesopus, alors Ésope, Rétulit fabellam talem, leur rapporta une fable telle. Ranae wagantes, les grenouilles errant, paludibus liberis, dans leur marais en liberté, petiere magno clamore, demandèrent à grands cris, à Bioé, à Jupiter, Regem, un roi, qui compesqueret, oui, qui réprima par la force, mores dissolutos, leur mœurs indisciplinées. Pater deorum ricit, le père des dieux rit, atque dedit illis, et donna à celle-là, parum tigilum, un petit soliveau, quod missum subito vadis, qui lançait tout à coup aux nappes d'eau, teruit genus pauidum, effraya cette espèce craintive, motu sonoque, par la secousse et le bruit. Cum hoc jaceret diutius, comme celui-ci gisait assez longtemps, mersum limo, plongé dans la vase, forte una, par hasard, une des grenouilles, profert tacite caput, sort en silence la tête, et stagno, hors de l'étang. Et trégué explorato, et le roi ayant été examiné, evocat cunctas, elle appelle toutes ses compagnes. Illae, celle-là, adnatant certatim, nage vers le roi à l'envi. Timoré, aussitôt, leur frayeur étant déposée, c'est-à-dire ayant cessé. Turbaque et la foule, insilit petulans, saute brutalement, supera lignum, sur le bois, cum inquinacent quod, après qu'elles eurent souillé lequel, c'est-à-dire lui, omni contumelia, de toute espèce d'outrage, miserere ad Iovem, elles envoyèrent à Jupiter Rogantes des ambassadrices demandant Allium Regem, un autre roi. Quoniam qui datus fuerat, puisque celui qui leur avait été donné, et cet était inutilis, hors d'état de servir. Tum missit illis hydrum, alors ils envoya à celle-là une hydre, qui coepit corripere singulas, qui se mit à les saisir une à une. Dente aspero, d'une dent cruelle. Frustra inertes, en vain les grenouilles passives. Fugitant necem, fuit coup sur coup la mort. Metus praecludis vocem, la peur leur ferme la voix. Dant igitur furtim, elle donne donc en cachette, Mercurio à Mercure, mandata ad Iovem, des instructions pour Jupiter, ut succurat afflictis, pour qu'il secoure, elle accablée. Tunc Deus contra, alors le Dieu en réponse, quia nulwistis inquit, puisque vous n'avez pas voulu, dit-il, ferre vestrum bonum, supportez votre bonheur, perferte malum, subissez jusqu'au bout votre malheur. Vos quoque o quies ait, vous aussi, ô citoyens, dit Ésope, sustinete hoc malum, supportez ce mal présent. Ne maius veniat, de peur qu'un plus grand ne vous arrive.